Voici quelques généralités sur certains types de joueurs. Joueur du dimanche, joueur de camping. Ces expressions évoquent de petits joueurs. À Marseille, on dira joueur de cabanon. Du côté de Nîmes, joueur de mazé. Lors de concours, est joueur de mazé celui qui joue petit jeu, qui a peu d'ambition, ou encore celui qui a des qualités, mais se démonte facilement, perd ses moyens à un moment crucial. Par exemple, quand une rousse se profile et qu'il faut réagir, ou quand une équipe adverse joue les caraques. Un carac fait des histoires pour rien. Caraqueger, c'est chipoter. C'est empoisonner la vie des adversaires en utilisant tous les moyens pour les dévarier, les déstabiliser. Au sens premier, un carac est un bohémien, un gitan. On dit aussi noy ou piche, terme souvent utilisé de manière péjorative. En effet, les gitans sont craints par de nombreux joueurs de boules. Les copains des types viennent, s'amusent, tape du pied quand tu vas tirer, traverse le jeu, balance des vannes. Toi, tu es seul avec ton équipe. Tu as intérêt à rien dire, sinon il y a embrouille. Je vais plus jouer dans certains endroits. D'autres interlocuteurs n'adhèrent pas à ce point de vue. On trouve autant de gens pénibles parmi les non-gitans. J'ai joué contre des gens du village voisin. Ils étaient odieux et c'était pas des gitans. Le pire, c'est les jeunes dans les concours de fête votive. Ils arrivent avec un verre de pastis à la main. Et arrête pas de chambrer. La caractéristique des noy, des gitans, c'est plutôt qu'ils tirent beaucoup, et ils sont en général de très bons tireurs. En outre, les boules pour certains gitans, c'est une façon de gagner leur vie, c'est comme un métier, ça leur donne une motivation que les autres n'ont pas. Gagner est vital pour eux. De ci, de là, on entend aussi kekou, ou la forme francisée kek. Il fait son kek, il fait son cador, il fait son beau. L'origine de ce mot est à chercher dans keka ou keko, le membre viril. Dès lors, faire son keku, c'est faire son macho. Le mot est souvent utilisé au second degré, en guise de moquerie. Arrête de faire ton keku. C'est la première fois de la journée que tu agantes, que tu touches une boule. Tu fais ton kek, mais depuis le début de la partie, tu joues comme une broque, comme un bâton.